Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes accompagné ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation pour votre rendez-vous hebdomadaire, 2 heures de bon rock progressif. Et on a quelques nouveautés ce soir. On va débuter d'ailleurs avec Lee Abraham. Lee Abraham, on l'avait vu avec Galahad. Il était le bassiste de Galahad quand il était venu pour le festival Terra Incognita il y a quelques années. Et ensuite, il a quitté le groupe et il est parti une carrière solo. Maintenant, il a la guitare, au clavier. Et c'est maintenant son 5e album qui vient de paraître, The Seasons Turn. Et il y a Michel Duncan, qui est un collaborateur du magazine Terra Incognita, qui fait des chroniques, qui nous a recommandé d'ailleurs d'y jeter une oreille attentive et qui nous suggère la pièce éponyme de cet album. Sur cet album, il y a des invités au chant. Et sur cette pièce, Mark Atkinson, qui est le chanteur de Nine Stones Close, et également River Sea et Mandala Ban. Il y a également, en fait, comme invité sur ça, Martin Orford, lui qui était plus supposé jamais jouer de musique dans le prog, qui était dans IQ, qui fait des flûtes. Alors, on l'entendra sur cette pièce-là. C'est la pièce éponyme, comme je le disais, donc ça sera pour débuter cette nouveauté. On va déjà commencer à en entendre quelques extraits. Et parce que c'est une longue suite, hein, puis je vais vous mettre dans l'ambiance comme il faut, alors préparez-vous confortablement. Et ensuite, on va enchaîner ça avec Radiohead. Ça va être la première fois que je vais faire jouer du Radiohead à l'émission. C'est pas un groupe qui est dans la scène progressive, mais leur plus récent album, Moon-Shaped Pool, est un album qui comporte beaucoup de pièces super intéressantes. Je sais que Vincent vous en avait parlé il y a quelques semaines aux Illusions Auditives, et puis ça a été un coup de cœur pour lui, et c'est vraiment super. Il y a d'ailleurs, je trouve, des clins d'œil un peu à Tangerine Dream dans une des pièces. Et on écoutera ça, c'est un peu dark, là, vous allez voir, de la pièce de Numbers. Et on aura également la nouveauté au deuxième bloc musical de Anderson et Stolt, John Anderson et Ryan Stolt. Alors on y va tout de suite en musique, puis on vous parlera également des spectacles qui s'en viennent à l'automne dans le rock progressif. On y va tout de suite avec Lee Abraham. getting close to the time of year again. You never know how the day will make you feel. The clouds above seem to go from white to black. Blocking out the sun, who knows when it comes back. Watch the seasons turn as another year goes by. As winter spreads the cold, I light the fire that burns. The warming heat and the mesmerizing flame. We'll be right back. As another year. As we long for summer's high. Le groupe Radiohead sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. C'est Bruno et Marc avec vous pour cette musique. Alors, c'était tiré de leur plus récent album Moon-Shaped Pool. C'était la pièce Full Stop. Je trouve pas mal inspiré. Puis il y a plusieurs pièces inspirées. On aura une autre pièce de cet album-là en fin de l'émission. Un album que j'ai pas mal écouté récemment, donc j'avais le goût de vous en faire jouer des pièces. En tout cas, c'est pas nécessairement dans le rock progressif, mais pour un amateur de ce style de musique, il y a pas mal de trucs intéressants. Alors, je parlais de spectacle qu'il va y avoir cet automne. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a Martin Barr, là, celui qui est le fameux guitariste de Jethro Tull, le 9 octobre à la salle Sylvain Lelièvre. On avait déjà parlé de Aiken le 3 septembre au Cercle. Et ensuite, il y a Mystery, le groupe de Montréal, le 2 octobre au Cercle. Il y a également Symphony X, pour ceux qui aiment ça plus métal un peu, avec les groupes de Québec, Illward et Universe Effects, qui seront le 4 octobre à la salle Multi. Les billets sont en vente. Et il y a également Dweezil Zappa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Monsieur Zappa. Alors, étant donné qu'il ne peut plus tellement s'afficher comme étant celui qui joue la musique de son père, ben il intitule son album il peut jouer ce qu'il veut en anglais. Et en tout cas, ça risque que d'être bon. Ça risque d'être bon le 19 octobre à l'Impérial. Alors, on y va en musique avec une nouveauté, Anderson, John Anderson de Yes, vous le connaissez, Rheinstolt, Flower Kings et autres groupes. Ça a été une idée de faire un album ensemble. C'est l'album Invention of Knowledge, et ça ressemble beaucoup plus à ce que John Anderson fait, et évidemment, Monsieur Stolt est inspiré par le style de Yes, dans son style de guitare, dans son jeu de guitare, c'est souvent assez inspiré de Yes, on peut pas lui en vouloir, et c'est un album qui est vraiment très Anderson, alors... Il faut aimer Anderson. Évidemment, il y a des références à Yes, mais il y a des trucs assez jazzés. Là. Il y a deux pièces jazzées. C'est de la musique qui est pas du gros prog aventureux. On écoutera une pièce intéressante, Knowing, sur cet album, donc de Anderson et Stolt. Et on poursuivra avec Mad Fellas, qui est un groupe italien, et leur excellent nouvel album, 2. La pièce Muslim Sabbat. Et on aura également Big Big Train. Alors on y va tout de suite de le plus récent album, mais on y va tout de suite avec la nouveauté Anderson et Stolt, Invention of Knowledge, la pièce Knowing. North Sea crystal shores, then see it. Healing stars will set them covered, all in the trance of the Tremolong days. East and west are set to cover in life. Southern dreams will dance forever. Healing stars will set them covered, all in the trance of the Tremolong days. As the vision standing out alive, now in pictures set to speak of time. All in the love of this wanting to learn in the sign. Take it away, some justice of design. The ley lines endless. rosy love will go to promise find the gift of ever life. Truth is on and each story give a love to be the watchword life, to return to the first light, son of man, to be there, to be first to arrive, to be known the means so wide. As the vision standing up in time, and the picture standing up as a sign, all in the level just wanting to learn and design, taking away some justice of design, the ley line singers. Thank you. passes on, weaving stories into stories. And a cuckold king am I, with a jealous, watchful eye for you. CKRL 89.1. Vendredi soir, CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, metal et le rockabilly. Des musiques à l'image des nuits au bal du lézard. I don't care what the neighbors say, I wanna love you anyway. Le bal du lézard est fier d'encourager la radio d'ici. Lebaldulézard.com. Baby, you'll come with me, baby, you'll come with me, baby, you'll come with me, baby, you'll come with me. L'émission C'est dans le sac est de retour pour couvrir les 11 jours du Festival d'été de Québec. Du 7 au 17 juillet, soyez prêts pour des révélations. On présente des tunes, des exclusivités. Venimos con mucha energía porque venimos llegando de México. Des voyages dans le temps. Ah, t'as encore des CD, t'es tellement rétro! Des émotions. Oh, ben merci, je m'ennuyais, moi aussi. D'autres genres de révélations. Brel, Félix Leclerc, c'est des génies. mon Dieu que c'est pas sexy. Ici Tania Beaumont. Je vous attends demain avec mon équipe de 15h30 à 17h30 au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Entrevue, prestations, critiques, un regard unique sur le Festival d'été de Québec. Seulement sur les ondes de CKRL 89.1. C'est une place de choix à CKRL dans votre quotidien. Durant la période estivale, CKRL vous propose une panoplie de nouvelles émissions variées. C'est encore une fois, je pense, à travers la petite histoire qu'on découvre la vérité. Et je vous propose donc ma vérité en ce qui concerne le Nord. Jean-François Artaud vous présente Aurore boréale, le Grand Nord à travers la musique, les lundis à 17h30. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Cette soirée vous est présentée par... La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. Rêver de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Nous revoici en onde. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Matthew Parmenter, tiré de son plus récent album, paru cette année. All Our Yesterdays, c'était la pièce d'ouverture intitulée Scheherazade. Et juste avant, on avait eu le groupe italien Mad Fellas, c'est ce qui était un peu plus jazzé, assez rock. Donc un troisième extrait là. Jusqu'à maintenant à l'émission pour cet excellent album, vraiment très très bon, Mad Fellas 2. Et on poursuit en musique avec un groupe du Québec, Vecteur K. C'est aussi un super bon disque qui est paru cette année. Puis il y a sur ça la collaboration du claviériste de Harmonium et qui joue sur cette pièce superbe 714 Park Avenue. Et on écoutera cette excellente pièce. Et ensuite, on va enchaîner avec deux groupes américains, Is, tiré de leur plus récent album, Everlasting Instant, Own My History, My Mystery, et également Ample Deed. Ample Deed est leur second biob, également paru cette année, avec la pièce Monolithium. Et moi, j'ai écouté ça récemment, et je trouvais que ça allait bien ensemble, ces pièces-là. Mais tout d'abord, on y va avec Vecteur K. Les lieux, le temps, le doute, j'y suis 714 Park Avenue. J'attends que tu te montres, j'attends notre rencontre. J'arpente lentement les rues, rien d'autre qu'un air de déjà vu. Me sentant observé, des yeux du haut d'un escalier, des voix qui murmurent, un air de torture, juste pour préciser que tout sens s'est estompé. Fading karma, fading karma, fading karma, wasted. La porte, fuyant l'ombre que le soleil supporte, au centre d'une salle vide, bordée de mille miroirs lucides. Pourquoi es-tu si invisible dans l'air comme un fluide miscible? Seul j'entends ta voix me souffler doucement. And then les entailles les plus vivantes. Raconte-moi pourquoi tu joues ta vie avec moi, quand tu sais que je vais le tirer, le disque j'ai tant espéré. Faire face, d'assumer ma démarche. Ton

Is it real? was all it took. Expulsion and the fall of man. We bless your crown. Yield much fruit or fell ye down. Raise your roots. Hear me, tree. Bow and leaf, bear fruit to plenty.

grasslands and the wide open sea. The wind whispered in the old pine tree. I am but a melody, beautiful yet haunting thee. I am you as you are me, and I will fly forever Ricard Joblum, c'est un des musiciens qu'on a eu la chance de voir ici à Québec et dans Birdfish, qui est dans ce groupe qui vient juste d'annoncer qu'il se sépare, malheureusement. Alors, Ricard Joblum et puis son plus récent album, The Unbendable Sleep, et c'était la pièce Realm of You and Me. Juste avant, il y a eu Big Big Train, tiré de leur plus récent album Folklore. Justement, il y a Monsieur Joblum qui joue sur cet album, la pièce Wassail. Et avant, on avait eu Ample Deed des États-Unis et Is, qui avait débuté le bloc. On poursuit avec un Américain, Gaddy Kaplan, et son plus récent album Morning Sun, un album qui fait très... très peace and love, si on veut, très 70s, la pièce Island. On aura également un deuxième extrait de Radiohead, la pièce The Numbers sur A Moon-Shaped Pool. On y va tout de suite en musique, donc, avec Gaddy Kaplan. Headstrong Island, the stars fill your eyes. No one ever told you that your ride is slowing down. You can find your answers if you're willing to collapse. Couldn't get it right, no, not this time. Follow them back to hide in sunken cold and snow. Cold and afraid of changes coming into form. And now that the room is spinning, the lights begin to blur. The island in the sky begins to stir. Begins to move around in circles, fast inside your heart. Notions that you knew but somehow always had your doubts. You can find your answers if you're

overlord channel, ready to receive. Swing out at the mercy of your shimmers and spells, your shimmers and spells. To hold your tongue, the future is inside us, it's not somewhere else, it's not somewhere else. It's not so I'm Ça, ce qu'on entend là, c'est The Rome Project. C'est Vincenzo Riccia. Et on entend un extrait de la pièce Adrianeum. Et juste avant, il y avait eu, comme je l'avais présenté, Radiohead et Gary Kaplan. Alors, c'était Marc Chaunet à l'animation et au chef musical, Bruno à la mise en onde. Merci, Bruno. Bonne soirée. Restez des nôtres pour l'autoroute dans 2 secondes avec Jacques Dulac. À bientôt. Bonne semaine. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Dès 11h30, du lundi au vendredi, CKRL vous présente 2 heures de musique jazz variée en compagnie d'experts aux univers hétéroclites. Le samedi à midi, Michel Gay anime Michel-Ange et Denis Plante vous propose Chez Bandoneon le samedi à 14h30. La musique jazz, faites-en votre priorité. Rallonge tes rêves. L'émission C'est dans le sac est de retour pour couvrir les 11 jours du Festival d'été de Québec. Du 7 au 17 juillet, soyez prêts pour des révélations. On présente des tours, des exclusivités. Venimos con mucha energía porque venimos llegando de México. Des voyages dans le temps. Ah, t'as encore des CD, t'es tellement rétro! Des émotions. Oh, ben merci, je m'ennuyais, moi aussi. D'autres genres de révélations. Brel, Félix Leclerc, c'est des génies. Mon Dieu que c'est pas sexy. Ici Tania Beaumont. Je vous attends demain avec mon équipe de 15h30 à 17h30 au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Entrevue, prestations, critiques, un regard unique sur le Festival d'été de Québec. Seulement sur les ondes de CKRL 89.1. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Ici Dominique Lelièvre. Retrouvez-moi chaque jour en semaine dans l'émission Les Matins éphémères et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel en suivant le compte Twitter de CKRL ou sur notre site web. Vous avez une information à communiquer? Écrivez-nous à info@ckrl.qc.ca. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Faites une place de choix à